7h05, Frédéric Sigrist, votre blockbuster de la semaine. C'est la suite du film culte Top Gun, Top Gun Maverick. Mais il sort pas mercredi prochain, ce film ? Si, Mathilde. Si, si. Et si vous pensez que je suis le genre d'abruti capable de faire 40 km en RER mercredi dernier pour se rendre compte devant le cinéma qu'il est venu une semaine trop tôt, et ben voilà, vous avez totalement raison. Je vais vous dire, je sais qu'en ce moment ils cherchent des gens brillants pour composer le gouvernement. Je vous rassure, je ne dors pas près du téléphone. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, ma petite bergamote au rhum. Oui, je me parle très gentiment parce que personne ne le fait. Ça sera l'occasion de revoir le premier Top Gun et oh my god, comment que j'ai bien fait. Ah oui, avec Daniel Morin, on rentabilise le thème de Top Gun. Ah oui, Gun, ça fait deux jours de suite, mais moi je l'aime bien. Donc. Ce thème devenu culte, composé par Harold Faltermeyer, avec les solos de guitare de Steve Stevens, qui a le nom le plus cool du monde. C'est comme si Stéphanie s'appelait Stéphanie Stéphanie's, ou moi Frédéric Frédéric's, ou Clément Clément Clemens. Oui, ça se voit que je gagne du temps sur mes droits d'auteur, là. Oui. En 1986, sort Top Gun, un film réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, mais qui n'ont rien à voir avec la série Les Frères Scott, parce que dans la vie, rien n'est simple. Alors je vous rappelle l'histoire de Top Gun. Tom Cruise incarne Maverick, un pilote d'avion de chasse de génie qui porte un blouson en cuir noir, des lunettes de soleil noires, qui fait des courses de moto avec des avions sans comprendre pourquoi il perd tout le temps et qui passe son temps à sourire en étant très content de lui parce qu'il a un gros avion et sûrement, mais c'est dramaturgiquement plus subtil, un gros zizi. Maverick est un pilote de chasse insolent, hanté par la disparition d'un père, lui aussi pilote de chasse, qui intègre l'école des meilleurs pilotes de chasse, l'école Top Gun, pour devenir le meilleur des meilleurs pilotes de chasse. Alors vous allez sûrement trouver que je dis beaucoup pilote de chasse, mais c'est que Top Gun tourne quand même pas mal autour du thème des pilotes de chasse. Là-bas, il rencontre un autre meilleur pilote de chasse, voilà. Ce qui en fait évidemment un trop. Iceman, joué par Val Kilmer. Alors il s'appelle Iceman parce qu'il reste calme en toutes circonstances. S'il avait été nerveux, il l'aurait appelé Jean-Luc Mélenchon. Iceman, c'est un personnage assez hautain, toujours occupé à mâcher un chewing-gum tout le long du film pour tenter de battre le record de mastication détenu en 1986 par une vache normande baptisée Solène. Maverick a un ami, pilote de chasse lui aussi, un nommé Goose, interprété par Anthony Edwards, le docteur Green de la série Urgence, à une époque où il avait encore des cheveux et une moustache. Un personnage éminemment sympathique qui a une compagne jouée par Meg Ryan, à qui l'on doit cette réplique qui résume assez bien le traitement des femmes dans Top Gun. Goose, bête de sexe, fais-moi l'amour ou je réponds plus de mon corps. Oui, alors il y a deux femmes dans Top Gun, Meg Ryan et Kelly McGillis, mais tu sens que les scénaristes ils se sont dit, bon, on veut bien qu'elles s'envoient en l'air, mais pas dans un avion. Frédéric, il paraît que ce film a fait exploser les candidatures pour devenir pilote, c'est vrai ? Mais pas qu'un peu ! Et alors c'est vrai, hein, moi je le cache pas, j'ai été réformé P3, je suis belou... Vous êtes quoi ? Belou. Belou. C'est du lorrain, c'est-à-dire que je vois pas clair. Je suis pour la décentralisation du langage, voilà. Et pourtant, j'avais envie de devenir pilote de chasse. Et j'ai appris plein de choses. Déjà, pour devenir pilote de chasse, faut être une vraie tête à claque. Les pilotes de chasse dans Top Gun, on dirait des conseillers bancaires qui vont à la salle. On les voit torse nu au vestiaire, torse nu en train de jouer au beach volley. Ils sont en sueur du début à la fin du film. Quand ils se parlent, c'est toujours à 3 cm l'un de l'autre. Il y a une de ces tensions sexuelles dans Top Gun. Top Gun, c'est Brokeback Mountain avec des avions. Tom Cruise, jeune, c'était un homme-objet. Il était filmé comme une actrice qui vend du yaourt. À un moment du film, il est en plein deuil, et ben un de ses supérieurs vient lui remonter le moral alors qu'il est aux toilettes en slip. Comme ça, tu sais pas pourquoi il est en slip. Tout le monde transpire de Top Gun, faut dire qu'il a l'air de faire très chaud. Hein. Le ciel dans Top Gun a été intégralement fait en peau de Donald Trump. Orange tout le temps. Donc pour vous, c'est un film qui a vieilli. Oui, mais pas tant que ça. Parce que même si on n'écrirait plus les personnages féminins comme ça, heureusement, hein, aujourd'hui, l'armée de l'air reste quand même majoritairement masculine. Mais au-delà de ça, c'est aussi un rapport à la guerre qui reste tragiquement d'actualité. L'ennemi qu'on imagine être des Russes à l'époque dans Top Gun n'a pas de nom, pas de voix, aucune motivation. Ils apparaissent comme ça, soudainement, dans le ciel avec un casque noir et une étoile rouge, menaçant les intérêts américains à bord de fameux MiG qu'il faut vite dégommer. Ça pourrait être des drones qu'on ne verrait pas la différence. Dans Top Gun, il n'y a pas de géopolitique ni d'état d'âme, juste des États-Unis et des menaces sans frontières. On ne connaît pas l'ennemi, c'est un ennemi, point. Dans sa conception de la guerre comme une abstraction, Top Gun n'a pas vieilli, car il était hélas tristement en avant sur son temps. Frédéric Sigrist.